Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 19 août 2024. Démarrons tout de suite par nos amis les béliers. Vous rayonnez en cette période estivale, mais veillez à ne pas disperser votre énergie et à préserver même votre système nerveux. Côté relations, Mars, Vénus et Jupiter vous mettent en présence de beaucoup de monde. N'acceptez pas toutes les sollicitations au risque d'en oublier vos priorités. Taureau, en ces jours, vous risquez de ressentir de la fatigue intellectuelle, ça peut arriver, et si possible donc, limitez vos utilisations aux écrans le soir. Gémeaux, lundi, le soleil et Saturne restreignent votre enthousiasme. Ouf, jusqu'à jeudi, le soleil vous pousse en avant. Courage, ça va passer. Côté relation, Mercure, votre planète, est rétrograde jusqu'en fin de semaine. Évitez donc les apéros avec de vagues connaissances et entourez-vous de personnes de confiance. Passons au prochain, mes amis les cancers cette fois-ci. Au travail, vous vous sentez découragé, mais Saturne vous guide tout de même pour rester concentré. Trouvez des petits défis à relever chaque jour pour retrouver votre motivation. Et côté relation, Vénus en Vierge et Mercure rétrograde vous conseillent de vous consacrer à un petit cercle d'intimes amis. Mes amis lions, Uranus et Pluton provoquent des inquiétudes. Pour vous détendre, pensez à faire quelques longueurs dans la piscine ou à vous promener au parc municipal, ça marche très bien aussi. Côté relations, le Soleil, Mars et Vénus augmentent vos capacités de séduction en solo. Ne courez pas plusieurs lèvres lièvres à la fois, ça ne se fait pas. Vierge, Mercure vous ennuie encore, assurez-vous de ne pas dépasser votre budget et de bien vérifier les factures qu'on vous présente, ça limitera la casse. Et côté relation, dès vendredi, le Soleil et Vénus, votre signe renforce votre éclat, montrez-vous partout ce week-end, votre beau sourire fera des merveilles. À présent, passons à nos amis les balances. Balance, vous rayonnez de confiance et sa paix. Votre assurance attire la chance et vous ouvre de nouvelles opportunités, alors bravo. Côté relation, à présent, ni Vénus ni Mercure ne sont de votre côté. Alors soyez patient, écoutez attentivement les autres pour éviter les incompréhensions et garder ainsi une bonne entente. Amis Scorpion, jusqu'à mercredi, Mars et Saturne vous freinent. Si vous n'êtes pas en vacances, vous enviez ceux qui ont la chance de se relaxer, se prélasser. Contentez-vous de suivre le mouvement. Côté relation, à présent, misez sur ce week-end pour voir votre sphère amicale s'animer. Prenez du bon temps avec vos amis, changez d'air tout simplement et profitez de l'été. Sagittaire, Mars et Jupiter en Gémeaux, plus le Soleil en Lion sont autant d'as dans votre jeu. Affirmez vos besoins et idées. On vous suivra. Côté relations, à présent, afin de prévenir les tensions familiales, veillez à bien réfléchir avant d'agir. Adoptez une attitude conciliante lors de vos prises de décision. Capricorne, jusqu'à mercredi, Jupiter et Saturne vous découragent. Voyez plutôt le verre à moitié plein. Respirez et chassez les tensions qui vous grignotent de l'intérieur. À présent, côté relations, vous évoluez tranquillement dans vos rapports, en amour. Et si vous êtes seul, Mercure retarde la bonne rencontre. Il n'est cependant pas très loin, à ce qu'on me dit. À présent, amis Verseau. Verseau, lundi, la pleine lune en Verseau liée à Mercure et Uranus vous impose de vous réorganiser face à des dysfonctionnements. Revoyez votre copie. Côté relations, jusqu'à jeudi, le soleil tente d'éclaircir une situation douteuse. Si vous n'avez pas d'explication, patience, l'issue ne saurait tarder. Amis Poissons, jusqu'à mercredi, Jupiter et Saturne risquent d'apporter un peu de déception et de lassitude. Votre motivation s'étiole un petit peu. Prenez peut-être un petit week-end prolongé, par exemple. Si on ne peut pas prendre de vacances, on peut essayer de coller des petits jours à droite à gauche pour faire un gros week-end. Côté relations, Vénus et le Soleil vous amènent de bonnes nouvelles, des nouvelles affectives dès vendredi. Préparez-vous à un week-end réparateur, ça fait du bien. Voilà, chers amis, c'était votre horoscope de la semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles prévisions. Ciao !